Chapitre 43e. On se souvient peut-être qu'au moment de partir pour Blémur, Bridoux avait endossé la casaque de pot-de-bic de Jacques Bastien. Celui-ci, dans sa demi-ivresse, et malgré les recommandations contraires du vieil André, s'était entêté à passer à gué une route inondée traversée par le courant d'un étang débordé. Le cheval perdit pied, le cabriolet fut entraîné. Bridoux parvint à quitter la voiture, mais emporté par le torrent jusque sous les roues d'un moulin, il y fut broyé. Une partie de la casaque de peau était restée accrochée à une palette d'héros. On trouva dans la poche de ce vêtement plusieurs lettres décachetées et à l'adresse de M. Bastien. De là vint une funeste erreur. L'on crut M. Bastien broyé sous la roue du moulin, et le corps de l'huissier à jamais disparu dans les eaux. Jacques Bastien, gêné par son énorme embonpoint, n'avait pu parvenir, malgré ses efforts, à sortir de la voiture. Cette circonstance le sauva. Le cheval, après avoir été quelques moments entraîné à la dérive, reprit pied, mais bientôt, en gravissant une pente rapide, épuisé de fatigue, il s'abattit violemment. Jacques, jeté en avant, se fit une profonde blessure à la tête, resta sur le cou, et au point du jour, des journaliers allant au champ l'ayant recueilli, le transportèrent dans une ferme isolée, assez éloignée du sinistre. Jacques resta longtemps retenu dans cette demeure, et par les suites de sa blessure, et par une dangereuse maladie causée par la frayeur, et par une immersion prolongée dans un courant d'eau glaciale. Lorsqu'il fut en état d'écrire à sa femme pour lui annoncer son arrivée, il s'en garda bien, se promettant, s'il passait pour mort selon toute probabilité, de faire sa résurrection l'objet d'une plaisanterie stupide et brutale, car il ne s'abusait pas sur la nature des sentiments avec lesquels Marie avait dû accueillir la nouvelle de sa fin tragique. À ce projet, ainsi qu'on l'a vu, Jacques ne manqua pas. Seulement, ce misérable, voyant à son aspect sa femme tomber foudroyée, il crut l'avoir tuée, et dans son épouvante qui tenait du vertige, il se sauva tout d'abord de sa maison. Marie n'avait pas été seule frappée de ce coup terrible. Non moins atterrée par la brusque apparition de Bastien, Frédéric, voyant sa mère rouler inanimée sur le carreau, s'affaissa lui-même et fut reçu complètement évanoui entre les bras du docteur Dufour. L'on transporta ce malheureux enfant non dans sa chambre, voisine de celle de sa mère, mais dans le salon d'études. Un lit y fut dressé à la hâte, le docteur Dufour ayant craint avec raison que dans l'état alarmant où se trouvaient Marie et son fils, leur rapprochement n'eut pour tous deux des suites funestes, car de la chambre de Marie, on entendait tout ce qui se disait chez Frédéric. Le docteur ne put leur donner simultanément ses soins. Il s'occupa d'abord de Marie, qui, à peine convalescente, pouvait et devait être, hélas, mortellement atteinte par une si effroyable révolution. Lorsque M. Dufour retourna près de Frédéric, il le trouva frappé d'une congestion cérébrale. Les soins presque instantanés que réclamait sa position n'ayant pu lui être donnés à temps, le jeune homme tomba bientôt dans un état désespéré. Lorsque Marie revint à elle, elle pressentit sa fin prochaine et demanda instamment à voir son fils. L'embarras de Marguerite, sa pâleur, les défaites qu'elle donna afin d'expliquer l'absence de Frédéric dans un moment si solennel, tout fut pour la jeune mère une révélation. Elle sentit, si cela se peut dire, que son fils se mourait comme elle. Alors Marie voulut voir David. Marguerite l'amena. Il resta seul avec Madame Bastien, dont les traits angéliques portaient déjà l'empreinte de la mort. De sa main blanche et froide, faisant signe à David de s'asseoir à son chevet, elle lui dit « Et mon fils, madame ?»« Il n'est pas là, on me le cache. Ne croyez pas, j'ai tout compris. Il est dans un état désespéré. Et comme ma fin à moi est prochaine aussi, j'ai voulu vous faire mes adieux, Henri. » Pour la première et pour la dernière fois, hélas, Marie appelait David de son nom de baptême. « Vos adieux » répéta-t-il avec un sanglot déchirant. « Vos adieux ? Je ne mourrai pas du moins sans vous dire combien je vous ai aimé. Vous le saviez, n'est-ce pas, mon ami ? Et vous dites que vous allez mourir ? Non, non, Marie, la force de mon amour vous rendra-t-elle la vie ? » s'écria David dans une sorte d'égarement. « Mourir ? Pourquoi mourir ? Nous nous aimons tant. Oui, notre amour est grand, mon ami. » Et pour moi, il a commencé du jour où mon pauvre enfant est revenu à la vie de l'âme que vous lui avez rendue. Oh, malheur, malheur! Non, Henri, ma mort n'est pas un malheur pour nous. Il me semble, voyez-vous, qu'au moment de quitter cette vie, mon âme, dégagée de ses liens terrestres, peut lire dans l'avenir. Henri, savez-vous quel aurait été notre sort? Vous me le demandez. Ce matin encore, nos projets, écoutez-moi, mon ami. Il est dans l'amour maternel de profonds mystères. Peut-être ne se dévoile-t-il qu'aux heures suprêmes. Depuis que je me suis cru libre, l'avenir m'apparaissait radieux comme à vous, Henri. Quelques mois encore, vous, mon fils et moi, nous confondions notre vie dans un même bonheur. Oh, ce rêve a été beau, Henri. Peut-être son réveil eût-il été cruel, que dites-vous? Vous savez combien mon fils m'aime. Vous savez que toute affection passionnée à sa jalousie, tôt ou tard, il eût été jaloux de mon amour pour vous, Henri. Lui, jaloux de moi. Croyez-en le cœur d'une mère, je ne me trompe pas. Hélas, vous voudriez rendre mes regrets moins affreux, vaillante et généreuse jusqu'à la fin. Dites que je suis mère jusqu'à la fin. Écoutez encore, Henri. En m'unissant à vous, je perdais mon nom. Cet humble nom que mon fils voulait surtout rendre illustre. Parce que ce nom était le mien. Car tout chez mon pauvre enfant se rapportait à moi. Oh oui, toujours vous êtes mêlé à ses pensées. Il y a quelques jours, au moment de mourir, elle criait « Ma mère !» comme dernier cri de salut, et c'est en disant « Ma mère !» qu'il marchait à une destinée glorieuse. Mon ami, ne nous abusons pas. Quel eût été notre chagrin si, au moment de nous unir, la crainte d'éveiller la jalousie de mon fils m'eût arrêté, peut-être? Et pourtant, renoncer à notre amour, c'était affreux. Ou bien, pensée plus horrible encore, la jalousie de Frédéric ne devait peut-être se dévoiler qu'après notre union. Que faire alors? Que devenir? Non, Marie, ne croyez pas cela. Frédéric m'aime aussi. Et à votre bonheur, au mien, il se fût sacrifié. Sacrifié, oui, mon ami, il se serait sacrifié. Oh, je le connais. Pas un mot, pas une plainte ne serait sorti de ses lèvres. Toujours aimant, toujours tendre, il nous eût tristement souri, et puis, peu à peu, nous l'aurions vu dépérir jusqu'à la fin. Oh, mon Dieu, cela est fatal. Malheur à moi, murmura David avec un douloureux gémissement. Malheur à moi. Bonheur à vous, Henri, car vous avez été le plus généreux des hommes, s'écria Marie avec une exaltation qui donna à ses traits mourants une expression surhumaine. Bonheur à vous, Henri, car vous avez été aimé, oh, passionnément aimé, sans coûter une larme ou un moment de honte au cœur loyal qui vous idolâtrait. Oui, Henri, je vous ai aimé, sans hésitation, sans combat. Je vous ai aimé avec orgueil, avec sérénité, parce que mon amour pour vous, Henri, avait toute la sainte douceur du devoir. Courage donc, mon ami, que le souvenir de Marie et de Frédéric Bastien vous soutienne, vous console. Que dites-vous? Frédéric? Oh, du moins, il me restera, lui. Mon fils ne me survivra pas. Frédéric, je le sens là, voyez-vous, Henri, là, au cœur, je vous dis qu'il se meurt. Mais, tout à l'heure encore, Pierre, sortant de la chambre où l'a transporté ce malheureux enfant, m'a dit que tout espoir n'était pas perdu. Non, non, lui mourir aussi, cela serait trop affreux. Pourquoi cela, Henri? Grand Dieu, vous, sa mère, cette question? Je vous l'ai dit, mon ami. Il est dans l'amour maternel de profonds mystères. J'aurais regardé comme un malheur affreux de survivre à mon fils. Frédéric m'aime autant que je l'aime. Il doit penser, il pense comme moi, il est heureux pour lui de ne pas me survivre. Misère de moi, vous perdre, tous deux. Marie et Frédéric Bastien ne peuvent être séparés, ni dans ce monde, ni dans l'autre, mon ami. Ah, vous êtes bien heureux, vous et lui. Henri, mes forces sont à leur fin. Le froid de la tombe me gagne. Votre main, votre chère et loyale main. David se jeta à genoux, au chevet du lit de la jeune femme, couvrant sa main de larmes et de baisers, il éclatait en sanglots. Marie poursuivit d'une voix de plus en plus affaiblie. « Un dernier vœu, Henri, vous l'accomplirez, s'il est possible. M. Bastien m'a parlé de son désir de vendre cette maison. Je ne voudrais pas que des étrangers vinssent profaner cette demeure, où s'est passée ma vie et celle de mon fils, car ma vie date du jour où j'étais mère. Monsieur Dufour, votre meilleur ami, demeure ici près. » Vous deviez revenir un jour vous fixer près de lui. Hâtez ce moment, Henri. Vous trouverez tant de consolation dans un cœur comme le sien. Oh, Marie, cette maison sera pour moi l'objet d'un culte religieux, mais... Merci, Henri. Oh, merci. Cette pensée me console. une dernière prière. Je ne veux pas être séparé de mon fils, vous me comprenez, n'est-ce pas ? À peine Marie prononçait-elle ces mots, qu'on entendit un grand bruit dans le corridor. Marguerite appelait le docteur avec angoisse et épouvante. Soudain, la porte de la chambre de Madame Bastien s'ouvrit brusquement. Frédéric entra, livide, effrayant, traînant après soi un drap comme un suaire, tandis que Marguerite tâchait en vain de le retenir. Une dernière étincelle d'intelligence, l'instinct filial peut-être, amenait cet enfant à mourir auprès de sa mère. David, agenouillé au chevet de la jeune femme, se redressa, stupéfié, comme à l'apparition d'un spectre. « Mère, mère !» s'écria Frédéric, d'une voix agonisante, en se précipitant sur le lit de Marie, qui l'enlaçait de ses bras au moment où le docteur accourait éperdu. « Oh, viens, mon enfant, viens !» murmurait Marie en embrassant son fils dans une dernière étreinte de joie convulsive. « Maintenant, c'est pour toujours !» Ce furent les derniers mots de la jeune mère. Frédéric et Marie exhalèrent leurs âmes dans un suprême embrassement.